Unité 15. Conversation. Écoutez. Monsieur Arnaud est employé de banque. Il habite près de Paris, à Fontainebleau. Le matin, il arrive de Fontainebleau par le train. Il va jusqu'à la gare de Lyon. De la gare de Lyon à l'Opéra, il prend le métro. Les bureaux de la banque sont tout près. Le matin, il travaille de 9h à midi. Et l'après-midi, de 13h30 à 17h30. Répétez. 1. Monsieur Arnaud est employé de banque. 2. Il habite près de Paris, à Fontainebleau. 3. Le matin, il arrive de Fontainebleau par le train. 4. Il va jusqu'à la gare de Lyon. 5. De la gare de Lyon à l'Opéra, il prend le métro. 6. Les bureaux de la banque sont tout prêts. 7. Le matin, il travaille de 9h à midi. 8. Et l'après-midi, de 13h30 à 17h30. Répondez, répétez. 9. Qui est Monsieur Arnaud? 10. Monsieur Arnaud est employé de banque. 11. Où habite-t-il? 12. Il habite près de Paris, à Fontainebleau. 13. Comment arrive-t-il de Fontainebleau le matin? 14. Le matin, il arrive de Fontainebleau par le train. 15. Jusqu'où va-t-il? 16. Il va jusqu'à la gare de Lyon. 17. Que prend-il de la gare de Lyon à l'Opéra? 18. De la gare de Lyon à l'Opéra, il prend le métro. 19. Où sont les bureaux de la banque? 20. Les bureaux de la banque sont tout prêts. 21. De quelle heure travaille-t-il le matin? 22. Le matin, il travaille de 9h à midi. 23. Et l'après-midi? 24. L'après-midi, de 13h30 à 17h30. Écoutez. Qu'y a-t-il pour votre service? Je veux verser de l'argent sur mon compte. Donnez-moi le numéro de votre compte. 5-0-0-4-5-9-6-3. Préparez-moi un carnet de chèque. Oui, mais n'oubliez pas de signer cette demande. Répétez. 25. Qu'y a-t-il pour votre service? 26. Je veux verser de l'argent sur mon compte. 27. Donnez-moi le numéro de votre compte. 28. 5. 0, 0, 4, 5, 9, 6, 3. Vingt-neuf. Préparez-moi un carnet de chèques. Trente. Oui, mais n'oubliez pas de signer cette demande. Répondez. Répétez. Trente et un. Qu'y a-t-il pour votre service? Trente-deux. Je veux verser de l'argent sur mon compte. 33. Donnez-moi le numéro de votre compte. 34. 5, 0, 0, 4, 5, 9, 6, 3. Préparez-moi un carnet de chèques. 36. Oui, mais n'oubliez pas de signer cette demande. Écoutez. 37. Marie est une élève du conservatoire. 38. Elle habite près du jardin du Luxembourg. 39. Le soir, elle revient du conservatoire vers 6 heures. 40. Elle prend le bus du Châtelet au Luxembourg. Répondez, répétez. 41. Qui est Marie? 42. Marie est une élève du conservatoire. 43. Où habite-t-elle? 44. Elle habite près du jardin du Luxembourg. 45. À quelle heure revient-elle le soir du conservatoire? 46. Le soir, elle revient du conservatoire vers 6 heures. 47. Est-ce qu'elle prend l'autobus? 48. Elle prend le bus du Châtelet au Luxembourg. Écoutez. 49. Marie, quel morceau joues-tu? 50. Une valse de Chopin. 51. Je peux encore jouer un moment? 52. Oui, mais ne joue pas trop tard. 53. Il est seulement 10 heures moins le quart, non? 54. Oui, mais ne joue pas après 10 heures. Répondez, répétez. 55. Marie, quel morceau joues-tu? 56. Une valse de Chopin. 57. Je peux encore jouer un moment? 58. Oui, mais ne joue pas trop tard. 59. Il est seulement 10 heures moins le quart, non? 60. Oui, mais ne joue pas après 10 heures. Écoutez. Pourquoi n'allons-nous pas en Bretagne cet été? Enfin, tu te décides. Tu es déjà allé en Bretagne en été? En été, non, mais au printemps. C'est une belle région. Dans quelle station as-tu envie d'aller? À Carnac ou à Bénodet? As-tu déjà vu les fêtes de Cornouailles à Quimper? Non, jamais. Ne les manquons pas. Quand ont-elles lieu cette année? Très certainement en août. Répétez. 61. Pourquoi n'allons-nous pas en Bretagne cet été? 62. Enfin, tu te décides. 63. Tu es déjà allé en Bretagne en été? 64. En été, non, mais au printemps. C'est une belle région. Dans quelle station as-tu envie d'aller? 66. À Carnac ou à Bénodet? 67. As-tu déjà vu les fêtes de Cornouailles à Quimper? 68. Non, jamais. 69. Ne les manquons pas. Quand ont-elles lieu cette année? 70. Très certainement en août. Répondez, répétez. 71. Pourquoi n'allons-nous pas en Bretagne cet été? 72. Enfin, tu te décides. 73. Tu es déjà allé en Bretagne en été? 74. En été, non, mais au printemps. C'est une belle région. 75. Dans quelle station as-tu envie d'aller? 76. À Carnac ou à Bénodet? 77. As-tu déjà vu les fêtes de Cornouailles à Quimper? 78. Non, jamais. 79. Ne les manquons pas. Quand ont-elles lieu cette année? 80. Très certainement au mois d'août. Écoutez. Avons-nous une carte de Bretagne? Oui, regardons-la. De Paris, quelle route pouvons-nous prendre? Nous prenons l'autoroute jusqu'au Mans. Et après? Passons-nous par Rennes ou par Nantes? Par Nantes. Je veux faire le tour du golfe du Morbihan. Mais on va où? À Carnac ou à Bénodet? J'hésite. On peut aussi faire un circuit. Où as-tu l'intention de t'arrêter? On peut s'arrêter quelques jours à Auray, à Quimper, à Brest. Et le nord de la Bretagne? Je me rappelle, la côte de Brest au Mont-Saint-Michel est merveilleuse. Répétez. 81. Avons-nous une carte de Bretagne? 82. Oui, regardons-la. 83. De Paris, quelle route pouvons-nous prendre? 84. Nous prenons l'autoroute jusqu'au Mans. 85. Et après, passons-nous par Rennes ou par Nantes? 86. Par Nantes. Je veux faire le tour du golfe du Morbihan. 87. Mais on va où? À Carnac ou à Bénodet? 88. J'hésite. On peut aussi faire un circuit. 89. Où as-tu l'intention de t'arrêter? 90. On peut s'arrêter quelques jours à Auray, à Quimper, à Brest. 91. Et le nord de la Bretagne? 92. Je me rappelle, la côte de Brest au Mont-Saint-Michel est merveilleuse. 93. Avons-nous une carte de la Bretagne? 94. Oui, regardons-la. 95. De Paris, quelle route pouvons-nous prendre? 96. Nous prenons l'autoroute jusqu'au Mans. 97. Et après? Passons-nous par Rennes ou par Nantes? 98. Par Nantes. Je veux faire le tour du golfe du Morbihan. Mais on va où? À Carnac ou à Bénodet? 100. J'hésite. On peut aussi faire un circuit. 101. Où as-tu l'intention de t'arrêter? 102. On peut s'arrêter quelques jours à Auray, à Quimper, à Brest. 103. Et le nord de la Bretagne? 104. Je me rappelle, la côte de Brest au Mont-Saint-Michel est merveilleuse.